que je suis, d'où ça vient, et est-ce que c'était déjà inscrit au moment où j'ai été fabriqué, c'est-à-dire au moment de mon Big Bang à moi, pas le Big Bang de l'univers, mais mon Big Bang à moi, c'est un jour un spermatozoïde et un ovule qui fusionnent. Et de cet instant-là, tout était dit du point de vue biologique, c'est vrai. Mais est-ce que tout était dit en ce qui concerne ma personne? Et c'est toute la réflexion de la génétique. Et c'est la réflexion de Jean de la Bruyère qui, en 1688, publie ses caractères, dont le seul titre nous renseigne sur la démarche à suivre. Qu'est-ce qui fait l'homme et qu'est-ce qui fait la femme? Si la nature et le naturel valent mieux que l'artifice, selon l'auteur, le caractère ne se situe-t-il pas précisément à la rencontre entre le naturel, ce qu'on peut appeler l'inné, et les expériences que l'on fait et qui modèlent en retour ce que nous sommes et qu'on appelle l'acquis? Alors pour être vraiment homme et pour être vraiment femme, faut-il s'extraire de cette nature qui nous rapproche des animaux ou au contraire se démaquiller et vivre au milieu des plantes? Molière, plus tôt dans le siècle, avait formulé ainsi la question. Il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter, car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh oh. Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde, votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, Oh, mon Dieu, voilà qui est poussé dans le dernier galant. Tout ce que je fais à l'air cavalier, ça ne sent point le pédant. Il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh, oh. Voilà qui est extraordinaire. Oh, oh. Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, oh. La surprise. Oh, oh. Oui, je trouve ce oh, oh admirable. Semble que ça ne soit rien. Oh, mon Dieu, que dites-vous? Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus. Vous avez appris la musique? Moi, point du tout. Et comment donc cela se peut-il? Tout ce que je fais me vient naturellement, c'est sans étude. Bonjour Béatrice Guion. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie, enfin bienvenue à votre voix et à votre personne évidemment que je ne vois pas mais qui va nous accompagner ce matin. Vous êtes professeure de littérature française du XVIIe siècle à l'université de Strasbourg. Lorsque Molière, dans Les Précieuses Ridicules, c'est une pièce en un acte, qui est dans la première représentation, a eu lieu en 1659, ridiculise les affectations des hommes et des femmes de la société du XVIIe siècle et ouvre-t-il la voie et donne-t-il le ton qui sera celui plus tard de Jean de la Bruyère dans Les Caractères? Oui, j'aime bien rapprocher la Bruyère de Molière. Parce qu'il y a, vous l'avez évoqué hier, je rends au public ce qu'il m'a prêté. Il y a chez La Bruyère, comme chez Molière, cette revendication de peindre d'après nature, de peindre les contemporains d'après nature, et de dénoncer l'affectation, les grimaces, les contorsions, l'outrance. Et en même temps, du point de vue de l'écriture, les mêmes questions peuvent se poser. On a pu reprocher à Molière d'outrer de ses caractères, de grossir le portrait. Et la même question se pose pour les portraits de La Bruyère, me semble-t-il. La même question des caractères, on va y venir, parce que c'est très difficile de définir ce qu'est un caractère en général et encore plus les caractères de La Bruyère, mais aussi le même présupposé, semble-t-il, en tout cas qui est très fortement marqué chez La Bruyère, à savoir que le naturel est supérieur, disons, à l'artificiel, que l'homme n'est vraiment homme et la femme n'est vraiment femme, et on verra l'importance de ce chapitre sur les femmes dans les caractères, que lorsqu'elles sont le plus proches possible de la nature. C'est un parti pris de la part de La Bruyère. Oui, c'est vraiment très, très récurrent dans les caractères. Il ne faut pas sortir de son naturel. Et la condamnation, il y a un vocabulaire récurrent, il condamne ce qui est artificiel, il condamne ce qui est faux. Il condamne ce qui est contraint, ce qui est forcé, ce qui est étranger, ce qui est emprunté. Donc il y a une condamnation récurrente de ceux qui sortent de leur naturel, qui s'éloignent de leur naturel. Mais toute la question, et vous l'avez dit, c'est qu'est-ce que le naturel et qu'est-ce que le caractère? Alors on va essayer d'y répondre. Est-ce qu'on a une définition du naturel selon La Bruyère? Pas vraiment. On a, alors c'est un mot qui revient souvent avec différentes connotations. Il y a le naturel au sens le naturel dans la conversation, le naturel dans les manières. Mais il y a aussi toute une série, ou le naturel d'une femme au sens la beauté naturelle. Mmh. Et il y a aussi tous ces textes où la Bruyère parle du naturel au sens, comme vous le disiez dans votre introduction, ce qui serait l'inné. Donc on n'a pas de, on peut essayer de dégager en rapprochant des textes, on n'a pas de définition nette, mais vous avez toute une série de textes où le naturel, c'est ce que l'on apporte en naissant. Ou bien la Bruyère parfois rapproche le naturel de la complexion. Mais la Bruyère ne définit jamais vraiment précisément ce que c'est que ce naturel qu'on apporte en naissant. Il y a un texte où il parle de complexion, mais pourtant on ne peut pas dire qu'il y aurait, que le naturel serait uniquement un déterminisme physiologique. Donc ça reste assez, assez flou ce que la Bruyère entend par naturel, ce que Dieu, ce que la nature nous a donné, un ensemble de traits physiques et moraux, surtout moraux, mais il n'y a pas, j'ai un petit peu recherché en relisant la Bruyère ces derniers temps, je n'ai pas trouvé de définition vraiment claire de ce que c'est que ce naturel. On a plutôt des interdictions ou des mises en garde. Ne pas contrefaire son naturel, ne pas imiter ce qui n'est pas soi. Mais on n'a pas de définition vraiment claire et stable de ce que serait ce fameux naturel. On peut le définir par la négative, en fait, en le distinguant de son opposé, de ce qu'il n'est pas. Le naturel, ça n'est pas la représentation, ça n'est pas le maquillage, ça n'est pas la mise en scène, c'est tout ce qui reste à l'homme quand celui-ci arrête de vivre selon le regard d'autrui, au fond. Oui. Pour la Bruyère. Et en même temps, c'est encore un petit peu plus compliqué que cela, parce que la Bruyère... Alors, on a souvent dit, c'est Barthes qui dit, la Bruyère peint un homme plus social que psychologique. Ce qui est vrai en partie, mais la Bruyère s'intéresse aussi à l'homme dans son intériorité. Mais il y a tous ces chapitres qui prennent l'homme en société, de la société de la conversation. Et la Bruyère... reprend à son compte les théories mondaines de l'honnêteté et donc cette exigence du naturel dans le comportement social. Donc il y a la condamnation, vous avez ouvert avec le texte des précieuses ridicules, on retrouve chez la Bruyère la condamnation des précieuses parce que les précieuses sont inintelligibles, on ne comprend rien à leur conversation. Donc il faut être naturel dans la conversation, il faut avoir de l'esprit, mais il ne faut pas que l'on sente le travail qui produit le bon mot. Il faut être... Donc, il reprend aussi à son compte l'exigence qui est celle des théoriciens mondains, qui remonte en grande partie à ce texte fondateur de Castiglione, Le courtisan. Bon, le courtisan, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est quelles sont les qualités requises de l'homme de cour et de la femme de cour pour que l'on vive agréablement. Et Castiglione dit qu'il faut du naturel dans les manières, mais c'est un naturel qui présuppose un travail. La Bruyère reprend l'exemple à son compte en disant combien d'art pour rentrer dans la nature. Et vous voyez cette phrase. Cette phrase est parfaite. Hein. Combien d'art pour rentrer dans la nature, ça veut dire que ce qu'on appelle le naturel ne l'est pas tant que ça. Il y a un paradoxe du naturel chez la Bruyère qui consiste à dire qu'il faut travailler, il faut de l'art pour atteindre ce naturel. Exactement, ce caractère, enfin cette remarque est très intéressante parce qu'il prend les exemples de la danse et du chant. On sait parler et on sait marcher en naissant, et pour apprendre à danser et à chanter, et on peut rappeler l'importance de la danse et du chant dans une société de cour d'Ancien Régime, pour apprendre à chanter et à danser avec naturel, eh bien, combien d'art, combien de travail, combien de règles, combien d'exercices. Et Donc, on voit très bien que ce naturel dans le maintien, on voit très bien ce que représente le naturel dans la danse, ou on peut penser aussi, compte tenu de la structure de la société d'Ancien Régime, on peut penser au naturel en montant cheval, par exemple. Eh bien, ce naturel, il s'est construit, il s'est appris. Et là, effectivement, on est au cœur du caractère très très complexe de la notion de naturel chez La Bruyère en particulier, et plus largement chez les auteurs notamment de la seconde moitié du XVIIe siècle. J'étais venue pour vous demander le rôle. Bon. Tu veux que je te dise? Quand je te regarde, je ne vois que le signe blanc. Oui, tu es belle, craintive, fragile. Pile le personnage. Mais le signe noir, putain, c'est dur d'incarner les deux. Je peux danser les deux. C'est vrai? Depuis 4 ans que je te vois danser, je t'ai toujours vu t'acharner à réussir tous les pas à la perfection, mais pas un seul instant je t'ai vu te lâcher. Jamais. Toute cette discipline, pourquoi? Je veux être parfaite. Quoi? Je veux être parfaite. La perfection, c'est autre chose que la maîtrise. Il s'agit aussi de savoir s'abandonner, se surprendre soi-même pour surprendre la salle, se transcender. Il y a très peu de gens qui ont ça en eux. Combien d'art pour rentrer dans la nature? Combien de temps, de règles, d'attention et de travail pour danser avec la même liberté et la même grâce que l'on sait marcher? Pour chanter comme on parle, parler et s'exprimer comme l'on pense? Jeter autant de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans un discours étudié et que l'on prononce dans le public, qu'on en a quelquefois naturellement et sans préparation dans les entretiens les plus familiers. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons des caractères de La Bruyère cette semaine, aujourd'hui en compagnie de Béatrice Guillon qui est avec nous depuis Strasbourg. Et vous avez entendu un extrait du film Black Swan de Darren Aronofsky, ça date de 2011, dans lequel on entend cette fille, cette danseuse qui veut être parfaite et qui travaille tellement pour atteindre la perfection, faisant écho au caractère de La Bruyère dont j'ai lu un extrait que nous avions commenté avant, hein, Béatrice Guillon. Combien d'art pour rentrer dans la nature? Ce paradoxe là, on le retrouve partout en fait. Dès qu'on essaye d'atteindre quelque chose de très naturel, de très fluide, bah, ça présuppose beaucoup de travail en amont. Oui. Oui. C'est exactement l'extrait qu'on a entendu, illustre le texte, non? Oui, comme de faire une émission avec vous. C'est ce que j'allais vous dire, c'est la mise en abîme. C'est que pour avoir une discussion la plus spontanée possible, il y a des heures de travail en amont. Exactement. Mais espérons que le travail ne se sente pas pour les auditeurs. Bon, on va tout faire pour. Déjà, on vient de se démasquer. On vient de révéler qu'on n'était pas naturellement, enfin, en tout cas, moi, ça, tout le monde le savait, que j'étais pas naturellement savante en termes de, en ce qui concerne La Bruyère. Mais pour vous aussi, il y a toujours un travail, au fond, c'est ça. Oui. Mais c'est un plaisir. C'est un grand plaisir de reprendre ce texte. Où chaque fois que je le reprends, je vois des choses que je n'avais pas vues avant et je me dis, c'est idiot de ne pas les avoir vues plus tôt, puis en même temps, il y a le plaisir de finir par les voir. Mmh. Comment est-ce qu'on fait le lien entre la question du naturel et celle du caractère? On a ouvert l'émission avec le lien entre les deux, parce que la notion de caractère, elle n'est pas tellement plus définie par La Bruyère que celle de naturel. D'où vient son envie même d'appeler ce texte des caractères, de proposer des caractères? De Théophraste, hein, parce qu'il reprend les caractères de Théophraste. Donc Théophraste qui était un disciple d'Aristote. Mm-hmm. Les caractères ou les mœurs de ce siècle, donc dans la première édition, il donne d'abord la traduction des caractères de Théophraste et il donne les siens comme une imitation et continuation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de la 4e édition, le succès lui donnant davantage de confiance, à partir de la 4e édition, la traduction des caractères de Théophraste va être imprimée en plus petits caractères, au sens typographique. Ah oui. Le jeu de mots n'était pas prémédité. Et donc, les caractères de la bruyère, typographiquement, s'affirment comme supérieurs à ceux du modèle lointain qui est Théophraste. Et c'est Théophraste qui aurait forgé la notion de caractère. Aristote parle plutôt de tempérament. Et Théophraste, en introduisant le mot de caractère, aborde aussi cette notion-là d'un caractère comme étant ce qui marque, ce qui vient étymologiquement, c'est ça, c'est la marque, c'est l'empreinte. Ça veut déjà dire qu'il y a quelque chose qui vient s'apposer au naturel. Oui, et si on regarde les dictionnaires du XVIIe siècle, tout simplement, si on regarde le dictionnaire de Furtière ou le dictionnaire de l'Académie, le sens premier de caractère, c'est le sens typographique. Et c'est assez, dans les deux dictionnaires, la dernière entrée, c'est le caractère comme la marque caractéristique d'une personne ou d'une chose, ce qui la distingue d'une autre. Je trouve ça intéressant que le caractère soit défini comme ce qui fait la spécificité d'une personne. Et dans les deux dictionnaires, on retrouve ce qui distingue. Et donc, je trouve que c'est une définition, comment dire, un peu structurelle, ce qui fait le propre de quelqu'un, mais c'est pas une définition, c'est une définition un peu coquille, si vous voulez, mais c'est pas une définition qui dit ce qu'est le caractère. Et on retombe toujours, pardon, sur cette idée que le caractère serait défini a contrario ou négativement, plutôt que positivement. Alors, on a quand même une esquisse de réponse à la question qu'est-ce qu'un caractère dans le texte que vous allez entendre. Alors, on entendra plus tard, on a des textes à entendre ensemble, hein, Béatrice Guillon, on a l'exemple du fleuriste qui suit la mode, l'exemple des femmes, parce que je l'ai dit, il y a un chapitre consacré aux femmes et ce qu'on y entend peut être parfois surprenant. Mais voici donc un extrait de ce qu'on appelle le paragraphe 139 et suivant, dans lequel La Bruyère met au point la définition du caractère dans ce qu'elle peut avoir là encore de contradictoire, voire de paradoxal. Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont de leur devoir, pendant qu'ils se font un mérite, ou plutôt une vanité, de s'empresser pour celles qui leur sont étrangères, et qui ne conviennent ni à leur état, ni à leur caractère. La différence d'un homme qui se revêt d'un caractère étranger à lui-même quand il rentre dans le sien est celle d'un masque à un visage. Les hommes n'ont point de caractère. Ou s'ils en ont, c'est celui de n'en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point et où il soit reconnaissable. Ils souffrent beaucoup à être toujours les mêmes, à persévérer dans la règle ou dans le désordre. Et s'ils se délassent quelquefois d'une vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus souvent d'un vice par un autre vice. Ils ont des passions contraires et des faibles qui se contredisent. Il leur coûte moins de joindre les extrémités que d'avoir une conduite dont une partie naisse de l'autre. Ennemis de la modération, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant ensuite supporter l'excès, ils adoucissent par le changement. Adraste était si corrompu et si libertin qu'il lui a été moins difficile de suivre la mode et de se faire dévot. Il lui eût coûté davantage d'être homme de bien. Quel texte, Béatrice Guillon? C'est vraiment un texte formidable, qui est donc un assemblage de plusieurs lignes où on y entend une vraie réflexion sur ce que c'est qu'un caractère, même si la définition est difficile à saisir. Commençons par ce premier point, la différence d'un homme qui se revêt d'un caractère étranger à lui-même quand il rentre dans le sien et celle d'un masque à un visage. Le premier indice que l'on a, que nous donne La Bruyère, c'est que le caractère, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, au même titre que notre propre visage. Oui, le visage est ce qui est donné par la nature, et le visage est opposé au masque. Donc le masque renvoie bien à l'artifice, à l'étranger. actuellement à l'hypocrisie, parce qu'on peut se rappeler de l'étymologie hypocrite, ce qui est sous le masque, et le masque renvoie aussi au théâtre du monde, à l'acteur. Ce que je trouve intéressant, c'est quand il rentre dans le sien. On sort de son caractère, on rentre dans son caractère, donc il y aurait bien quelque chose de stable qui serait le caractère de chacun. Et pourtant, la ligne d'après, il dit « les hommes n'ont point de caractère ». Oui. Ou s'ils en ont, c'est celui de n'en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point et où ils soient reconnaissables. Donc ils n'ont pas de caractère et s'ils en ont un, c'est celui d'être constamment en mouvement, c'est ça ? Oui. Alors là, cette série de textes est vraiment très, très intéressante, ouais. et très difficile. Alors, il y aurait une solution un petit peu facile de dire « Ah oui, mais la première remarque, elle est dans la première édition, et puis les remarques suivantes, elles sont ajoutées dans les éditions suivantes. Bon. » Il me semble que c'était un petit peu facile, et c'est faire bon marché de la complexité de la pensée de la Bruyère. N'en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se démente point, et où il soit reconnaissable. Alors effectivement, là, c'est très surprenant, puisque le caractère, c'est ce qui singularise, c'est la marque propre de chacun. Et quand la Bruyère nous dit que les hommes ne sont pas reconnaissables, il n'y aurait pas d'essence propre. Là, on peut penser à Pascal, où est ce moi ? Qu'est-ce que le moi et où est le moi ? Il me semble qu'ici, aucun qui soit suivi, qui ne se démonte point, les hommes ne savent pas persévérer. Il me semble ici que la Bruyère fait référence à quelque chose de très important pour les moralistes du XVIIe siècle, qui est l'inconstance. Avant les moralistes du VIIe siècle, il y a Montaigne, qui est vraiment une source fondamentale pour Pascal, c'est évident, les pensées sont un dialogue avec Montaigne, mais pour La Rochefoucauld, pour La Bruyère aussi, Montaigne c'est vraiment séminal, et Montaigne ne cesse d'insister sur l'inconstance, moi à 7 heures et moi tantôt sommes bien deux. Les essais s'ouvrent avec un chapitre comme nous pleurons et rions d'une même chose. Le livre 2 s'ouvre avec un chapitre de l'inconstance de nos actions. Et donc, cette inconstance qui est liée au passage du temps, elle est vraiment très importante chez Montaigne. Et pour les moralistes chrétiens comme la Bruyère, je pense que s'ajoute à cela l'influence de l'augustinisme. C'est chez saint Augustin quelque chose de vraiment récurrent que de caractériser l'homme par la mutabilité, parce que l'homme est inscrit dans le temps, par opposition à l'immutabilité qui est l'apanage de Dieu. Et cette opposition qui est vraiment constante dans la pensée d'Augustin, on la retrouve chez Pascal et chez tous les moralistes marqués par l'augustisme au XVIIe siècle. Donc il me semble que dans cet accent sur l'inconstance, il y a le souvenir de Montaigne et il y a aussi le pessimisme chrétien de la Bruyère. Oui, mais je le trouve pas particulièrement féroce envers cette inconstance. C'est comme s'il reprenait le constat, de même que d'ailleurs Montaigne ne l'est pas. Mais vous citez Augustin et même Pascal. Alors Pascal, c'est peut-être plus compliqué, mais la Bruyère semble constater l'inconstance de l'homme et son impossibilité à se fixer quelque part ou à être un homme de bien. Mais il appelle plutôt à accepter cette inconstance que de lutter contre elle, non ? Je ne suis pas sûre. Il y a d'autres passages où il critique l'inconstance. Il y a ici, il se dégoûte plus souvent d'un vice par un autre vice. Cette notion de dégoût qui peut aussi faire penser à Pascal, au divertissement, dès que l'on possède quelque chose, on s'en dégoûte immédiatement. Et on retrouve, vous parlez d'Aristote, on retrouve à la fin de ce passage, ennemi de la modération, ils outrent toutes choses. On retrouve cette définition aristotélicienne de la vertu comme ce qui serait le milieu, et le milieu entre deux extrêmes. Et l'impossibilité pour l'âme d'y parvenir, à être dans ce juste milieu. Être dans ce juste milieu, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais la Bruyère laisse quand même entendre que pour être fidèle à son caractère, il faut être fidèle à cette inconstance, à ce changement permanent. Il est entre le mythe de l'identité personnelle fixe et unique et le masque, l'apparaître dans lequel on pourrait se dissoudre puisque de toute façon nous n'existons pas en tant que substance. Il est exactement entre les deux. Alors, je ne sais pas si je dirais exactement cela. Il y a une condamnation constante du masque, c'est certain. Mais je ne suis pas certaine que l'on puisse dire qu'il n'y a pas de caractère chez la Bruyère, parce qu'il y a vraiment cette incitation constante à ne pas sortir de son caractère, se connaître. Peut-être qu'on pourrait... Vous voyez, je trouve que le doute sur l'existence du moi, il est plus fort chez Pascal. Et peut-être qu'on on pourrait parler, enfin on en a souvent parlé, peut-être qu'on pourrait parler d'un socratisme chrétien. D'ailleurs, Socrate est important dans les caractères. C'est-à-dire qu'il faut se connaître. Il faut se connaître pour savoir ce qui vous convient. Et cette expression, ce qui convient à son état, ce qui convient à son caractère, c'est aussi une expression assez récurrente chez La Bruyère. Donc je ne dirais peut-être pas qu'il est au milieu, parce qu'il faut se connaître soi-même. Et il y a quand même quelque chose qui existe au départ. Mais c'est pas une substance. C'est pas une substance. C'est bien ça qui est compliqué. C'est si c'est un caractère, si c'est le naturel, on voit bien qu'on n'arrive pas à le définir. Donc, quelle est cette chose qu'il y a au départ? C'est là toute la question. C'est pas une substance. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais. La notion de socratisme religieux a quelque chose d'assez intéressant. En effet, même s'il faut bien comprendre que dans la phrase de Socrate, connais-toi toi-même, c'est pas une invitation à l'introspection psychologique, c'est plutôt connais-toi toi-même, quelle est ta place en tant qu'homme dans l'univers, dans la nature. Et là, on retrouve effectivement quelque chose qui est très proche de La Bruyère. Oui, et puis connais-toi toi-même avec tes qualités, avec tes défauts. Oui. Le socratisme chrétien, c'est un petit peu aussi connaître surtout ses défauts. Prenons l'exemple des femmes, parce qu'on en a parlé, il y a tout un chapitre des caractères qui est consacré aux femmes. Alors, faut-il le voir comme étant un positionnement de la part de La Bruyère, le fait que le chapitre arrive en numéro 3 et que finalement tout en haut va se trouver, ensuite il y a la ville, la cour, les grands, le souverain, l'homme. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce que la femme vient en premier parce que c'est la plus petite ou la moins importante? Alors, il y a une volonté revendiquée de La Bruyère d'une construction, puisqu'il dit que si on termine avec des ouvrages de l'esprit, pardon, si on termine avec des esprits forts, c'est pour culminer avec la dénonciation de l'athéisme. Il faut rappeler que la femme est un objet traditionnel de la satire depuis l'Antiquité. On peut penser à Juvénal. Et donc, cette critique de la femme, je ne sais pas si elle est la plus, si elle vient d'abord parce qu'elle est la plus importante. Elle vient avant la société de la conversation, parce que dans cette société de cour, d'ancien régime, la femme est tout de même l'animatrice des salons. Et c'est vrai que ce chapitre permet une progression avec le chapitre suivant du cœur. Puisque la dernière remarque du chapitre des femmes, c'est une remarque une assez longue remarque qui peint une femme qui a toujours préféré l'amitié à l'amour et qui a méprisé l'amour, et puis elle va être punie de son orgueil puisqu'elle va tomber éperdument amoureuse de quelqu'un qui ne l'aimera pas, et cela ménage une transition avec le chapitre suivant. Mais il est vrai que des femmes qui ne dialoguent pas vraiment avec de l'homme, parce que de l'homme, c'est l'homme, non pas le wir, non pas l'homme masculin, mais c'est l'homme au sens de homo sum. L'être humain. Il est très intéressant de voir que ce chapitre des femmes s'ouvre d'emblée sur la condamnation de l'artifice. On a la condamnation du fard, de la parure, et la deuxième remarque du chapitre, c'est la condamnation d'une grandeur artificielle opposée à une grandeur naturelle. Donc il peut y avoir une grandeur naturelle, et il est vrai que le chapitre d'emblée s'ouvre sur la condamnation de l'affectation, mais aussi sur la célébration d'une beauté naturelle, parce que les femmes sont coquettes, les femmes refusent de se voir vieillir, les femmes sont bavardes, les femmes sont des directeurs de conscience au lieu d'avoir tout simplement un confesseur. Donc il y a une satire assez misogyne, hein, on peut le dire. Et les femmes ne prennent jamais aussi cher que lorsqu'elles se maquillent. Je vous propose qu'on écoute le texte, hein, qui montre bien que le naturel pour La Bruyère est d'abord un idéal esthétique. Voici le texte lu par Daniel Mesguich. Chez les femmes, se parer et se farder n'est pas, je l'avoue, parler contre sa pensée. C'est plus aussi que le travestissement et la mascarade, où l'on ne se donne point pour ce que l'on paraît être, mais où l'on pense seulement à se cacher et à se faire ignorer. C'est chercher à imposer aux yeux et vouloir paraître, selon l'extérieur, contre la vérité. C'est une espèce de menterie. Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu'à la coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre queue et tête. Si les femmes veulent seulement être belles à leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans doute, dans la manière de s'embellir, dans le choix des ajustements et de la parure, suivre leur goût et leurs caprices. Mais si c'est aux hommes qu'elles désirent de plaire, si c'est pour eux qu'elles se fardent ou qu'elles s'enluminent, j'ai recueilli les voix et je leur prononce, de la part de tous les hommes, ou de la plus grande partie, que le blanc et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes, que le rouge seul les vieillit et les déguise, qu'ils haïssent autant à les voir avec de la céruse sur le visage qu'avec de fausses dents en la bouche et des boules de cire dans les mâchoires, qu'ils protestent sérieusement contre tout l'artifice dont elles usent pour se rendre laides, et que bien loin d'en répondre devant Dieu, il semble au contraire qu'il leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir des femmes. Quel texte féroce, Béatrice Guillon, comment vous l'entendez ? Ah oui, il est féroce, il est drôle aussi. Oui. Et encore une fois, je trouve que ça fait partie de ces textes qui montrent toute la complexité de la pensée de la Bruyère. Alors, il y a ce côté très visuel, le blanc et le rouge qui les rend dégoûtantes, les fausses dents, les boules de cire dans les mâchoires. Donc, il y a ce côté très, très, très visuel qu'on a constamment dans les caractères. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le vocabulaire moral. Donc, se farder et se parer, c'est plus que le travestissement et la mascarade, c'est une espèce de monterie. Et on passe à un vocabulaire moral, le mensonge. On retrouve cette opposition entre le visage et le masque, et puis il y a cette irruption du burlesque avec cette comparaison. Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu'à la coiffure exclusivement. Alors je disais, c'est visuel, à peu près quand on mesure le poisson entre queue et tête. Alors là, on a beaucoup plus de mal à s'imaginer ce que serait qu'une femme poisson. Et puis il y a cette comparaison violemment dégradante, comme on mesure le poisson entre queue et tête. Donc, critique de la mode, critique des coiffures qui déforment les proportions. Hein, on retrouve toujours sur cette idée de la déformation, de l'artifice. On peut penser aussi, alors, il y a quelque chose de grotesque, j'ai envie de dire au sens qu'a le mot en histoire de l'art, le grotesque se mélange entre l'homme et l'animal ou entre l'homme et le végétal. Donc on voit la Bruyère ici introduire une image grotesque et très péjorative, parce que les femmes qui se parent et qui se fardent, bien sûr, ce sont les femmes de la haute société, ce sont d'abord les femmes de l'aristocratie, et on mesure le poisson, ça peut faire penser aux poissonnières, ça peut faire penser aux femmes des halles, et donc il y a aussi quelque chose de dégradant d'un point de vue social dans cette comparaison. Précisons peut-être à la décharge des personnes concernées qu'à l'époque, le maquillage était bien loin d'être celui que l'on connaît aujourd'hui et qui d'ailleurs, bien souvent d'ailleurs, vise à être le plus naturel possible. Ce qu'il décrit en termes de blanc et de rouge qui les rend affreuses et dégoûtantes, c'est quelque chose qui est dénoncé par beaucoup d'écrivains de cette époque. Absolument, vous avez raison, et le nude n'était pas dans la culture du XVIIe siècle. Et à ce titre, peut-être que ce qu'il appelle le maquillage n'était qu'une autre modalité du masque, pour le dire vraiment. Et on peut, c'est assez intéressant de comparer ce texte-là avec, par exemple, l'éloge du maquillage de Baudelaire, qui 200 ans plus tard explique pourquoi la femme, dit-il, doit se dorer pour être adorée. Et Baudelaire a la position exactement inverse à celle de la Bruyère. L'authenticité n'est pas du côté du naturel, et ce n'est que l'artifice et la fabrication qui permet à la femme d'atteindre la beauté. Oui, il y a une très violente condamnation de la nature et du naturel chez Baudelaire. Oui. Et, et, et, et un culte de l'artifice qui permet d'atteindre la beauté. C'est lié à une, je sais pas, de l'air, à vraiment une horreur de la nature. C'est ça, mais c'est intéressant de les comparer parce que ça permet de comprendre a posteriori ou a fortiori pourquoi chez La Bruyère, justement, le naturel, lui, est valorisé. C'est parce qu'en fait, le naturel, c'est le lieu de l'authentique, c'est le lieu du vrai. C'est quand même un positionnement qui est moral avant d'être esthétique. Oui, c'est un positionnement qui est moral, exactement. C'est un positionnement moral. On le voit quand il condamne l'affectation ou le travestissement. C'est pas simplement une condamnation d'ordre social. L'affectation est désagréable en société. Oui, c'est désagréable. Mais l'affectation, c'est plus qu'un défaut de comportement. C'est un mensonge et en tant que tel. Et rappelons que nous sommes avec La Bruyère dans une pensée chrétienne, condamnation du mensonge. Et alors, authenticité n'est pas un mot du XVIIe siècle, mais je crois qu'encore une fois, c'est se connaître soi-même, savoir agir et se comporter en accord avec son naturel. C'est aussi lié l'importance des convenances dans la société du XVIIe siècle. Vous ne vous comportez pas de la même façon si vous êtes une jeune femme ou si vous êtes un vénérable magistrat âgé. Et donc, il y a aussi ce qui convient en fonction de l'âge, du sexe et du statut social. Il y a l'idée aussi quand même que, et qui là encore est paradoxale, et c'est sans doute les paradoxes qui rendent le texte vraiment intéressant, qu'à la fois l'homme n'est pas assignable à une substance, ça on l'a dit, et qu'en même temps il ne se dissout pas complètement dans le paraître et dans les effets de mode, mais on a l'impression que chez La Bruyère, à la fois l'homme est ce qu'il est de toute éternité, son état d'être humain, sans doute ici est-ce la dimension religieuse qui fait que l'homme ne sera jamais comme, c'est-à-dire sans doute pécheur, mais qu'en même temps, il y a une possibilité d'évolution, en suivant les modes, en infléchissant son caractère d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a à la fois un jugement sans appel sur la nature humaine et en même temps la possibilité pour chaque individu d'évoluer. Oui, il y a eu une controverse assez violente, comme peut l'être une controverse universitaire, dans les années 80-90, où un critique américain, Michael Kopisch, avait écrit un livre qui s'intitulait « La dissolution du caractère », prétendant qu'il n'y avait pas de caractère chez La Bruyère, au sens où il n'y a pas de substance, donc tout serait dans l'inconstance. Et cette thèse a entraîné une assez vive réaction de critiques, notamment le regretté Louis Vandelf, dont on parlait hier avec Patrick Dandré, qui insistait sur le fait qu'il y a une nature humaine. Et je crois que, comme vous le dites, que cela tient aussi à la pensée chrétienne de La Bruyère. Et le fait qu'on puisse reprendre les caractères de Théophraste montre bien qu'il y a une nature humaine. Sinon, pourquoi continuer les caractères de Théophraste? Mais en même temps, il y a la possibilité d'évoluer. Alors, négativement, la mode, alors le chapitre de la mode, vous parlez de ce chapitre, c'est très intéressant parce que de la mode, il vient presque à la fin. Et alors, la mode, c'est l'accélération du temps. C'est comment dire, un présent hypertrophié, accéléré, qui devient fou, qui prend toute la place, mais qui en même temps, chacun sait que rien ne se démode plus vite que la mode. Et le chapitre de la mode se termine sur un texte un petit peu pascalien, parle-t-on, qui oppose le temps à l'éternité. Et à cet égard, le chapitre de la mode annonce, ça pourrait paraître paradoxal, mais le chapitre de la mode, annonce l'orientation chrétienne des derniers chapitres. Et il y a aussi la coutume. Alors, il y a le temps qui fait que l'on change, on en a parlé, Montaigne, moi à 7h et moi tantôt sont bien deux, mais il y a aussi la coutume. Et la coutume est plutôt présentée négativement chez La Bruyère. Il y a les vices que l'on apporte en naissant, dit-il, et puis il y a les vices que l'on contracte comme quelque chose d'étranger. Cette question de la coutume ou de l'habitude, elle est encore une fois très importante chez Montaigne. On sait ce que Pascal en fait avec ses textes très compliqués chez Pascal sur la nature qui devient la coutume qui devient une deuxième nature, et donc la sur la nature, qui est une première coutume, et ces textes un petit peu vertigineux où la nature finit par se dissoudre dans la coutume. Et je pense que chez La Bruyère, on étonne ça, c'est-à-dire que l'homme peut changer à cause de l'habitude, mais que l'habitude ne dissout jamais complètement le caractère premier. C'est ça. Et pour illustrer cette idée-là, je vous propose qu'on retrouve le fleuriste. Le fleuriste dépeint par La Bruyère, qui semble d'un côté être du bon côté, c'est-à-dire qu'il est au sens où il est près de la nature. Et il y a l'idée chez La Bruyère que finalement, pour vivre bien et pour vivre dans le vrai, il faut vivre dans la nature. Mais de l'autre, eh bien, comme il est fleuriste, il est aussi sensible à la mode des fleurs. Et le problème du fleuriste, c'est qu'il passe ses journées au milieu des tulipes. La curiosité n'est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu'on a et ce que les autres n'ont point. Ce n'est pas un attachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru, à ce qui est à la mode. Le fleuriste a un jardin dans un faubourg. Il y court au lever du soleil et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant la solitaire. Il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l'a jamais vue si belle, il a le cœur épanoui de joie. Il la quitte pour l'oriental. De là, il va à la veuve, il passe au drap d'or, de celle-ci à l'agate, d'où il revient enfin à la solitaire, où il se fixe, où il se lasse, où il s'assit, où il oublie de dîner. Aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées. Elle a un beau vase ou un beau calice. Il la contemple, il l'admire. Dieu et la nature sont en tout cela ce qu'il n'admire point. Il ne va pas plus loin que l'oignon de sa tulipe, qu'il ne livrerait pas pour 1000 écus et qu'il donnera pour rien quand les tulipes seront négligées et que les œillets auront prévalu. Cet homme raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort content de sa journée. Il a vu des tulipes. Quel texte, là encore, Béatrice Guillon, on oscille entre la beauté stylistique du texte et le sens des images et la charge très dure qu'il adresse à l'encontre de ce fleuriste qui, au fond, ne fait rien de mal, si ce n'est qu'il se comporte avec les fleurs comme avec le reste des objets de la société, c'est-à-dire qu'il hésite entre l'une puis l'autre et il est finalement soumis à la mode. Oui. Alors peut-être peut-on préciser que le fleuriste, c'est l'amateur de fleurs, hein, c'est celui qui aime les fleurs. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont le fleuriste, donc l'amateur de fleurs, est lui-même transformé en plante. Vous le voyez planté, il a pris racine au milieu de ses tulipes. Et là encore, je parlerai assez volontiers de grotesque, au sens où c'est l'homme qui devient, par mimétisme, végétal. Et c'est un texte qui se situe au début du chapitre de la mode, et on voit bien la condamnation religieuse. Il oublie Dieu, cet homme qui a une âme et qui prend le transitoire, l'objet de la mode, pour un absolu. Mmh. Et c'est le début d'un très très long caractère. Et dans ces amateurs de curiosité qui sacrifient à la mode et qui aiment dans la mode, vous parliez de snobisme hier, qui aiment dans la mode ce qui est rare. Ce qui est couru, ce qui est recherché. Et un petit peu plus loin dans cette même remarque, il y a l'amateur d'oiseaux. Et l'amateur d'oiseaux, on observe la même réduction, il retrouve ses oiseaux dans son sommeil, lui-même il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche. Et de même que l'amateur de tulipes devient plante, l'amateur d'oiseaux devient oiseau. Je voudrais peut-être revenir sur ce que vous avez dit juste avant de la lecture du texte. Vivre dans la nature. Alors vivre dans la nature pour la Bruyère, c'est pas forcément, ce n'est pas forcément vivre à la campagne, même s'il y a cette condamnation, l'éloge de la retraite et la condamnation de la cour, vous en parlerez demain. Vivre dans la nature, c'est un petit peu comme un âge d'or. C'est un petit, alors la Bruyère est chrétien, nous l'avons dit. Il appartient à ce milieu autour de Bossuet que l'on appelle le petit concile, qui prône un qu'on a pu qualifier de primitiviste chrétien, c'est-à-dire qui prône la simplicité par opposition à l'affectation, à une vie sociale trop mondaine. Et il y a vivre dans la nature, c'est une nature, comment dire, un petit peu mythifiée, la nature des premiers temps, la nature qui serait à la fois celle d'avant la chute et celle des premiers temps homériques. Et donc, c'est cette nature, cet idéal de nature un petit peu mythifiée qui sera un âge d'or, correspond à un idéal de simplicité et est opposé au raffinement excessif de la vie sociale en général et de la vie de cour en particulier. Mmh. Mais est-ce qu'on ne peut pas retourner à la Bruyère les reproches qu'il adresse à tout le monde, enfin les reproches, les défauts qu'il pointe et qu'il dépeint, en tout cas les paradoxes qui parfois... qu'il ne pardonne pas toujours, disons. Parfois, il semble clément, parfois pas. Son éloge du naturel, au fond, contredit le travail même qu'il fait pour écrire ses caractères. Au fond, l'idéal naturel, ce serait l'idéal stylistique et c'est sans doute celui qu'il veut atteindre. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande tellement de travail. Son travail lui-même est bien la preuve que l'inné, le naturel, ce avec quoi nous naissons, ne suffit pas. Oui. Et on peut repenser au texte que vous avez lu tout à l'heure, combien d'art pour rentrer dans la nature. Ouais. Il donne d'abord l'exemple du chant et de la danse, et ensuite il ajoute, c'est un caractère assez compliqué, il ajoute ensuite la comparaison avec l'écriture. Hein, combien d'art pour écrire dans un discours aussi étudié, aussi naturellement que l'on parle parfois dans la conversation. Alors, le naturel, du point de vue stylistique, c'est une valeur prônée par tous les auteurs et tous les théoriciens du VIIe siècle, mais je pense qu'il convient plutôt de parler d'effet de naturel, c'est-à-dire qu'il faut... Ce qui est une expression paradoxale, l'effet de naturel. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler pour donner l'impression d'être naturel. C'est ce que Boileau, par exemple, dit dans la préface de la dernière édition de ses œuvres complètes. Il dit « Virgile est plus naturel que Lucain, mais si Virgile réussit à donner l'impression d'être plus naturel que Lucain, c'est parce qu'il a beaucoup plus travaillé que Lucain. » Donc, il y a ce que... mais cela, ces auteurs en sont conscients. Il faut beaucoup travailler pour donner au lecteur l'impression d'être naturel. C'est quelque chose qui revient constamment, par exemple, dans les jugements sur La Fontaine. Oui, rappelons qu'il fait quand même, il est au milieu de ce qu'on appelle la guerre, la querelle entre les anciens et les modernes, et qu'il appartient aux premiers, il défend les premiers. Il écrit « Marot et Rabelais sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leurs écrits. Tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer, même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu'à rire dans un auteur. Rabelais surtout est incompréhensible, son livre est une énigme, quoi qu'on veuille dire, inexplicable, c'est une chimère. » Oui, et la suite immédiate est intéressante, c'est le visage d'une belle femme avec des pieds et une queue de serpent. Ouais. Et là, c'est reprendre le précepte d'Horace, l'interdiction du mélange des genres, et on retrouve toujours cette image du grotesque. Et juste après vient la condamnation de la difformité. Il ne faut pas peindre quelque autre bête plus difforme, c'est un monstrueux assemblage. Alors la Bruyère condamne le monstrueux assemblage, il condamne le grotesque, il condamne la difformité. On vient de le dire, son texte, on voit parfois le travail du texte chez la Bruyère. Oui. Son style, ses portraits par exemple, on parle beaucoup des portraits, alors ce n'est pas le tout, c'est un peu un effet Lagarde et Michard si vous me passez l'expression, c'est parce que les portraits qui sont des morceaux de bravoure ont souvent été repris dans les anthologies, les portraits sont grossis. Et on arrive à une espèce de galerie de monstres ou de grotesques. Et donc, Je rends au public ce qu'il m'a prêté. Il y a cette revendication de peindre d'après nature, mais en même temps, ce que peint la Bruyère d'après nature, ce sont des monstres. Mmh. Et il y a un texte très, très intéressant, il parle de Socrate, et où il dit Socrate peignait des monstres, mais il les peignait au naturel. Donc la monstruosité serait dans l'objet représenté. Et c'est un texte où on s'accorde à dire que derrière Socrate, c'est de lui-même que parle la Bruyère. Alors, Molière, Pascal, dans la 11e provinciale, disent qu'ils, ou Boileau, la Bruyère, disent qu'ils représentent une nature qui est déjà monstrueuse. Mais il me semble qu'on peut dire aussi que tout n'est pas dans l'objet représenté et qu'il y a un grossissement ou une outrance dans la représentation. Et donc, c'est là où on peut parler aussi d'un paradoxe dans l'écriture de la Bruyère, cette écriture qui revendique l'observation du naturel. Hein, la fin de la préface, c'est « je consens que l'on dise que je n'ai pas bien remarqué, mm-hmm. pourvu que l'on remarque mieux ». Donc, il y a une revendication de l'observation. Et dans la représentation des caractères, il y a un grossissement, parce que le fleuriste, l'amateur de fleurs, il est réduit à son amour des fleurs. Ménal, que le distrait, il est réduit à sa distraction. Donc les portraits réduisent le personnage à un, qu'on est comme le type, ils réduisent le personnage à un trait majeur au détriment de tous les autres. Donc l'élément de complexité psychologique dans le type, bon, c'est comme le type balzacien, est écrasé. Et puis il y a aussi une accumulation. L'exemple de Ménal qui est intéressant. Elle est très rapidement, il nous reste 30 secondes. Ménelque, c'est le distrait, et le distrait, chacun des traits de distraction est hyperbolique. Le distrait, il oublie qu'il s'est marié le matin. Et donc c'est un personnage qui n'est pas vraisemblable. C'est un personnage grossi. On reparlera du distrait cette semaine, parce qu'en effet, Ménal, qui est un personnage que l'on n'oublie pas une fois qu'on a fait connaissance avec lui. Merci beaucoup, Béatrice Guion, d'être venue nous parler de la Bruyère et des caractères ce matin. Vous avez écrit un livre sur le sentiment moral qu'on trouve aux éditions Honoré Champion. Un livre sur Pierre Nicole, moraliste, toujours aux éditions Honoré Champion. On mettra votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec une femme qui, elle, se sent comme une femme naturelle, c'est Aretha Franklin. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de laisser Aretha Franklin pour un instant, temporairement, et de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce qui restera à la fin des réseaux sociaux? A priori, une tentative de coup d'État fasciste en Amérique et quantité de promesses déçues, à commencer par la plus merveilleuse d'entre elles, quelque chose que les premiers chrétiens, à la suite d'Origène, avaient nommé l'apocatastase, une apocalypse inversée qui verrait à la fin du temps tous les hommes, sans exception, monter au paradis. Alors c'est une promesse qui est incontestablement éventée depuis le bannissement du plus puissant d'entre eux. Nous ne serons pas sauvés par les réseaux sociaux, nous leur aurons confié en vain nos vies, maladroite, l'algorithme ne sera pas la grâce, ni le village global, ni même l'arche, ni rien du tout. Il ne restera rien, bientôt, de cette expérience. Vous pensez que les réseaux sociaux vont disparaître ? Là, je crois que oui, d'une certaine façon, ils ont fait leur temps. Disparaître, peut-être pas, mais demeurer comme le courrier papier ou le mail. On a tous encore des boîtes à lettres, mais ce n'est plus complètement autour d'elles que nos vies s'organisent. Après tout, le téléphone, comme façon de transmettre la voix à distance, aura été, lui aussi, une impasse technologique. Les services d'opéra à distance, Sierra Proust, longtemps considérés comme une singularité de la belle époque, nous apparaissent aujourd'hui comme les premiers pas du streaming musical, et c'est les échanges vocaux qui nous paraissent un peu archaïques. On n'a jamais, au fond, trop aimé recevoir des appels, et on s'appelle de moins en moins, Internet n'étant, au fond, que la plus spectaculaire des façons qu'on a trouvées de ne pas se parler. Comme les réseaux sociaux furent longtemps une manière pratique de ne pas se voir. Donc vous prédisez le grand retour du présentiel. Oui, et je tente le terme, quelque chose comme une grande Covida, oui, la Movida de l'après-Covid. Mais plus profondément, je m'interroge, presque à la façon d'un archéologue, sur ces réseaux sociaux qui sont devenus si vite centraux dans nos vies qu'on a à peine connu leur état primitif. À peine se souvient-on de leur éphémère promesse, du graphe primitif, de la roue des amis sur Facebook, au généreux double F des Followings Friday de Twitter. Mais trop de mises à jour nous séparent de ces temps oubliés et nous empêchent de mettre le doigt vraiment sur ce qu'a été notre première expérience des réseaux sociaux. Et je crois savoir pourquoi on l'a oublié, car cette première expérience, elle a été détestable. Je ne m'en suis rendu compte le jour où j'ai quitté Facebook. Je n'en pouvais plus d'y aller seulement pour avoir des gens à haïr, de pâles vengeances venues de l'adolescence à accomplir. Je n'aime pas beaucoup les maximes de La Rochefoucauld, leur misanthropie facile me déplaît, comme je trouve peu de choses à admirer chez Cioran. Rester sur Facebook, cela aurait été comme me forcer à lire pour l'éternité ces livres que je n'aimais pas, ces livres mauvais. Mais ce que j'observe, maintenant que je me suis sauvé, c'est que les sociabilités mauvaises des réseaux sociaux demeurent. Je suis resté ainsi sur un réseau social très primitif, un simple groupe de conversation entre amis. Nous sommes 7 et je dois reconnaître, sans que mes amis y soient pour grand-chose, que mon expérience utilisateur se dégrade. La chose, comme Facebook et Twitter, comme si c'était là le péché originel de tout réseau social, voire le péché originel lui-même, a lentement dégénéré. C'est comme si il n'y avait plus personne, des cœurs qu'on s'envoie, des ah-ha, plus grand-chose, un ressentiment sans objet qui monte, une constellation un peu vide et amère qui se dissipe heureusement dès qu'on se voit en vrai, mais pour l'instant. Bah, ce qui reste à la fin des réseaux sociaux, c'est le réseau. Le social, lui, aura complètement disparu. Bah oui, le médium, une fois de plus, comme dans les prédictions de McLuhan, aura été le message, le réseau nu, le graphe, l'algorithme, c'est le seul ami qui reste et il est tout sauf amical. Ah, il vous reste aussi la radio, Aurélien. Merci beaucoup pour votre chronique et à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle en compagnie de Jules Barbier, Baptiste Botella, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions sur La Bruyère, Jacques Azubert est à la prise de son aujourd'hui, Daniel Mesguiche à la lecture des textes et vous avez également entendu la voix de Denis Podalides. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur les caractères de La Bruyère. Demain, on sera en compagnie de Delphine Amstutz et on commentera cette citation de La Bruyère qui en dit long. Tu es grand, tu es puissant, ce n'est pas assez. Alors, morale exigeante, morale désespérante, on verra ça demain, vous verrez, les caractères et les pages que nous lirons sont absolument passionnantes. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter en direct et en téléchargement toutes les émissions du groupe Radio France qui vous permet d'écouter Les Chemins de la Philosophie où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.